Seigneur, pénètre en moi, inonde mon âme de ton esprit. Envoie ta lumière et illumine-moi pour que je vive resplendisse. Rayonne, Seigneur, pénètre en moi, inonde mon âme de ton esprit. Envoie ta lumière et illumine-moi pour que je vive resplendisse. Entre tes mains, je me mets tout entier. Tu m'as créé pour toi, je ne veux plus penser à moi-même. Je veux te suivre. Rayonne, Seigneur, pénètre en moi, inonde mon âme de ton esprit. Envoie ta lumière et illumine-moi pour que je vive resplendis. Je ne cherche pas à savoir à l'avance quels sont tes...